Une fois pour toutes, on va se cramer la gueule à l'ombre d'un tilleul. Une fois pour toutes, nos mains seront serrées. J'en serai embarrassé. Parce que j'en ai plein le cul. Dire, revenir tout le temps. Je finis par être absent de cette vie. Une fois pour toutes, tes yeux essaieront de me percer le front. Une fois pour toutes, la lumière si cruelle. Parce que j'en ai plein le cul. Dire, revenir tout le temps. J'finis par être absent de cette vie toute nue. Une fois pour toutes, le jour me plantera ses dards. Je serai encore en retard. Une fois pour toutes, on se verra faire la gueule à l'ombre du tilleul. Parce que j'en ai plein le cul. Dire, revenir tout le temps. J'finis par être absent